J'suis plus trop fumette. T'as plus ses lunettes. J'suis plus trop buvette. À part quand y'a la fête. Oh laissez-moi. J'sais que ça va trop vite, sur moi ça veut profiter, donc laissez-moi. J'crois qu'elle t'a cramé, tu changes ton copine, normal t'as doute de toi. Que tu la vois pas, que tu dois pour moi. Elle a besoin de toi. Tu vas la perdre. Ils t'aimeront. Les gens changent quand tu brilles. Alors moi je reste à la maison.